Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Une menace d'écroulement plane sur les berges du ravin de Kizingwe à cause des eaux de ruissellement et celles provenant des ménages. Nous sommes en commune Moua de la mairie de Bujumbura. Notre reporter l'a constaté. Il nous en fera une description avec les habitants de la localité qu'il a rencontrés. Polémique autour des indemnisations de certaines familles expropriées dans le cadre du projet Jiji Murembe. Notre reporter s'est entretenu avec ceux de la localité de Gishingano. C'est en commune Isare de la province Bujumbura. Reportage à suivre également. Et le président du conseil d'administration de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, CECADEM, annonce l'ouverture d'une agence au chef-lieu de la province Bururi. Et cela avant le mois de mai prochain, au grand plaisir des adhérents qui n'auront plus à se déplacer pour chercher des crédits. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Plus d'une vingtaine de familles de la localité de Gishingano en commune Isare de la province Bujumbura réclament des indemnisations liées à l'implantation dans leur propriété des pylônes haute tension qui desserviront le barrage Jiji Murembe. Certaines regrettent qu'elles sont en train d'être chassées des maisons nouvellement construites par ce projet, alors que d'autres déplorent que les indemnisations sont moins importantes par rapport à la valeur réelle des parcelles. L'administration collinaire demande à la régie des eaux de tout faire pour que ces familles soient réhabilitées dans leurs droits, comme il en a été le cas pour d'autres ménages des environs. Reportage Placide Niomongere. Ces familles sont de la sous-colline Kavunabiti, de la colline Gishingano, de la commune Isare. Elles regrettent qu'au départ, n'avaient jamais été informées que leurs propriétés feront partie du domaine de ce projet d'implantation des pylônes pour les fils électriques de haute tension en provenance des barrages Jiji Murembe avant de retrouver leur construction avec des signes de démolition. À l'heure actuelle, disent ces habitants, certains habitent dans des maisons bien aménagées en dur, alors que d'autres regrettent avoir appris qu'elles doivent quitter pour la seconde fois des maisons nouvellement aménagées par la régie des eaux sous prétexte qu'elles sont de nouveau dans le domaine de ces fils électriques. On m'a encore une fois informé que ma nouvelle maison se trouve de nouveau dans le domaine de ces fils électriques et qu'il faut chercher un autre espace. Je leur ai signifié qu'il m'est difficile de trouver une autre parcelle après celle que je leur avais montrée au départ. Ils m'ont alors dit qu'il faut soit chercher une autre parcelle ou prendre le frais pour le loyer. Ces familles déplorent aussi la taille des indemnisations comparativement à la valeur réelle des parcelles. L'exemple est celui d'un ménage qui attend 1 500 francs burundais avant de quitter leur domaine familial. J'ai acheté cette petite parcelle avant ce projet que je qualifie de développement. Aujourd'hui, ils me proposent 1 500 000 francs burundais d'indemnité. Cher monsieur, est-ce que ce montant est proportionnel à la valeur de cette superficie de désert et mon chantier en cours? Après, ils m'ont informé qu'ils vont louer des maisons là où nous voulons pour une période de 3 mois pour 150 000 francs burundais. D'autres qui grognent encore sont celles disposant des espaces non battus. Elles déplorent avoir appris que leurs domaines ne feront pas objet des indemnisations et se demandent le sort réservé à leurs terres. Nous demandons au gouvernement de reconsidérer la valeur de nos parcelles. Je ne peux pas être victime de ma parcelle non bâtie. Elle a aussi sa propre valeur pour que nous ayons à installer nos familles respectives. Sur ce, Gervais Ngurikiye, un des élus collinaires de Gishingano, affirme être au courant de toutes ces lamentations et demande à la régie des eaux de tout faire pour rétablir ses familles dans leurs droits comme elle en a fait pour d'autres. Ceux qui se sont vus leur maison reconstruite se réjouissent. Nous demandons aux responsables de ce projet de tout faire pour l'intérêt de ces familles à indemniser du fait qu'il y a une partie de cette population qui avait acheté ces parcelles pour l'aménagement d'une maison familiale. Gervais Ngurikiye demande à ces familles de faire preuve de patience tout en rassurant que leurs doléances font objet de leur dossier à suivre régulièrement. Placide Niyomongere, au niveau de la régie des eaux, l'on indique être au courant de ces doléances de la population de Gishingano. Le directeur général de cette entreprise rassure que des équipes d'experts en matière d'indemnisation sont déjà déployées sur terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement de ces opérations. Albert Manigomba promet également de résoudre tous les cas litigieux conformément à la loi en vigueur. Le président du conseil d'administration de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires annonce l'ouverture de son agence avant le mois de mai prochain au chef-lieu de la province Bururi. Elle répondra ainsi aux réclamations des membres de cette coopérative qui étaient obligés de se rendre dans d'autres provinces pour demander des crédits. Dans une réunion organisée ce mardi à Bururi, le colonel Padon Ninheretse a appelé tous ses adhérents à épargner pour qu'ils aient droit au crédit. Zenon Zambiman. Ces militaires en activité, les retraités et les veuves des militaires dans la province de Bururi grognaient depuis plus d'une année suite à l'absence d'une agence de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, ce qu'a dit en sigle dans cette province. Cette agence sera désormais ouverte avant le mois de mai de cette année au chef-lieu de la province de Bururi dans le but de réduire le trajet des membres qui se rendaient à Rumonge ou dans d'autres provinces pour contracter des crédits dans cette coopérative. C'est l'annonce du président du conseil d'administration de cette coopérative qui a organisé ce mardi à l'école des sous-officiers de Bururi un atelier pour informer ses membres sur les services, les réalisations et les perspectives d'avenir de cette coopérative. Colonel Padon Ninheretse appelle plus de 6 000 membres sur plus de 30 000 membres de cette coopérative qui n'épargnaient pas à le faire pour qu'ils aient eux aussi droit au crédit. Il appelle également les conjoints des militaires à ouvrir leur propre compte à la SECADEM pour bénéficier des mêmes avantages dont l'octroi des crédits accordés à 8% comme taux d'intérêt. Au moment où certains des membres de cette coopérative ont demandé la hausse du plafond des crédits, Padon Ninheretse a répondu que le crédit accordé dépend des salaires de chaque membre. Il invite les membres de la SECADEM qui auraient des maisons à les faire enregistrer au service du cadastre pour avoir les titres de propriété afin de les présenter à la SECADEM comme hypothèque pour que leur crédit soit revu à la hausse. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'administrateur de la commune Mouha, Mérid Bujumbura, invite ceux qui travaillent dans des infrastructures publiques à faire de la propreté dans leurs alentours. Selon Dévote Ndaï Senga, les mauvais élèves sont par exemple l'INSS et l'Université du Burundi. Elle s'est exprimée ce mardi lors d'une réunion du ministre de la fonction publique avec les représentants des syndicats. Elle indique que la mairie de Bujumbura ne peut pas réaliser la vision du gouvernement de pays émergent en 2040, alors que cette capitale économique devrait accueillir des touristes est toujours sale. Suivez-la. À mairie de Bujumbura, des mesures liées à la salubrité ne manquent pas, comme pour tout autre domaine. Mais curieusement, le constat est que les infrastructures publiques, que ce soit au niveau de différents ministères, ont remarqué des déchets. Je voudrais lancer un appel, entre autres, au ministère de la fonction à l'INSS, toutes les infrastructures publiques devraient être bien traitées puisqu'on ne pourra jamais atteindre la vision 2040-2060 tant que la ville de Bujumbura ne sera propre. Nous devrions avoir l'image de Bujumbura propre. Les touristes se dirigent d'abord vers les villes. Vous comprendrez qu'ils ne peuvent pas venir dans une ville où la salubrité reste à désirer. Dans la suite de ce journal, les bergers du ravin de Kizingwe, agrandis par les eaux pluviales et celles provenant des ménages en commune Mouha de la mairie de Bujumbura, menacent de s'écrouler. Les habitants des environs craignent que leur maison ne soit emportée et demandent que ce ravin soit réhabilité. Mathieu Ndiokubgayo, l'un des élus locaux du quartier Nyabaranda, plus menacé que les autres, affirme que des rapports sont souvent donnés aux autorités habiletées, malheureusement sans suite. Omer Ndouayo. Il la qualifie d'une rivière suite aux menaces de ses berges lorsqu'il y pleut. C'est le ravin d'Okizingwe qui rassemble les eaux provenant des ménages du quartier Ngengabusoro, passant par le caniveau d'Imogoyi et les eaux provenant de Nyamaboko, sous les montagnes surplombant la zone urbaine d'Okanyosha, au point de jonction de ces deux cours d'eau. On y aperçoit un grand ravin d'une hauteur estimée à plus ou moins 12 mètres. L'eau tape sur les berges de ce ravin, les affaiblissant et causant des écroulements. Les arbres plantés sur les rives de ce ravin, ceux qui ne sont pas emportés sont déracinés. L'eau de pluie s'effrayait le chemin et cause des dégâts. Ceux qui habitent près de ce ravin ont peur. Mathieu Ndihokubrayo, l'un des élus locaux au quartier Nyabaranda, anciennement appelé quartier Gisio 4, s'inquiète du manque de solutions. On ment tous des rapports sont chaque fois fournis aux autorités habilitées. La partie la plus menacée est celle de la jonction du ravin et le caniveau de Mugoyi et celle qui est en bas de la route nationale numéro 3, Bujumbura Rumonge. Le pont se trouva sur cette route, a été réhabilité, ce qui fait que l'eau suit son cours normal. Omer Ndouayo, et des eaux de pluie ont inondé l'après-midi de ce mercredi une station non fonctionnelle en face du commissariat provincial de Rumonge. À l'origine, c'est le bouchage d'une buse pour pérenniser la circulation routière sur la RN3 à ce niveau. Ceux qui exercent des activités dans ces environs demandent une intervention urgente. L'administrateur communal de Rumonge a déjà saisi l'agence routière du Burundi sur ce cas. Jean-Pierre Misago. Depuis le remblement ce 3 mars courant, par l'entreprise Chico, des fosses formées suite à l'usure d'une buse aménagée dans la RN3 près du commissariat provincial de police de Rumonge. Le passage des eaux de pluie à ce niveau n'est plus possible. Ces eaux de pluie sont donc obligées de faire demi-tour, créant une sorte de lac d'annoyage, comme cela s'est produit dans une station non fonctionnelle et un garage de la place l'après-midi de ce 6 mars courant. Se prestant près des canaux d'évacuation des eaux usées, craignent des inondations et demandent que cette buse soit débouchée dans les meilleurs délais. Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, contacté à propos, dit avoir déjà saisi l'agence routière du Burundi pour trouver solution à ce problème menaçant potentiellement les bâtiments abritant le commissariat provincial de police de Rumonge. Depuis la relance des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3, tronçon Rumonge-Nyanzalac, l'entreprise Chico qui a gagné son marché a le devoir de veiller à ce que la circulation routière dans ce tronçon ne soit perturbée. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Actualité internationale. De nouvelles brèves en international avant la chronique sur les messages de haine. La Somalie est désormais membre à part entière de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le ministre somalien du Commerce et de l'Industrie, Jibril Abdirachid Haji, a présenté le document de ratification du traité d'adhésion au secrétaire général de l'organisation lundi lors d'une brève cérémonie au siège de l'EAC à Arusha, en Tanzanie. Cet acte complète le processus d'admission. La Somalie, qui possède le plus long littoral de plus de 3000 km d'Afrique, reliant l'Afrique à la péninsule arabique, devient le 8e membre de l'EAC après la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. En Haïti, le chef de gang Jimmy Cherizier menace d'une guerre civile sanglante et d'un génocide si le Premier ministre Ariel Henry reste au pouvoir. Ariel Henry, qui, de retour de l'étranger, tente sans succès de revenir dans le pays. Depuis des mois, les gangs tuent, pillent, violent, kidnappent et contrôlent la plus grande partie de Port-au-Prince. Dans la capitale, les habitants font face aux pénuries. Parle, rassure-moi. La propagation de fausses informations en référence faites sur des faits historiques est à l'origine de l'insécurité et freine les travaux de développement. Une affirmation de certains habitants de la colline gênée en commune Kabarore de la province Kayanza. Josias Nsabimana, secrétaire exécutif permanent, explique que des descentes sont effectuées pour couper court avec ces fausses informations et garder une communauté apaisée. Mireille Kanyang. Ces habitants de la colline Djene, en commune Kabarore de la province de Kayanza, affirment avoir déjà entendu de fausses informations. Ils ont respectivement 44 ans, 43 et 68 ans. De fausses informations, je les ai déjà entendues. En politique, je parlerai de celles liées à un coup d'État. Après, on trouve que ce n'est pas vrai. Nous les entendons bien sûr, mais ici chez nous, les autorités autour de la sécurité sont suffisantes, il n'y a pas de perturbations comme c'était avant. Ceci est lié au fait que nos autorités viennent rapidement à la pacification. Effectivement, je les entends quelquefois. Je suis témoin oculaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même avant, ces informations étaient propagées. De telles informations basées sur un passé qui ne passe pas déstabilisent le voisinage et ralentissent le rythme de travail, disent-ils. Certes, il y a des conséquences, car si les gens tranquilles entendent ces informations, cela les perturbe dans leur cœur et dans leurs activités, et le développement en souffre. La première chose, s'il y a ces informations, il y a alors de l'insécurité. Chacun a peur, il ne va que pas convenablement aux travaux quotidiens. Au sein de l'administration en commune Kabarore, Josias Nsabimana, secrétaire exécutif et permanent, appelle ses habitants à ne pas laisser place à ces fausses informations et s'atteler plutôt aux travaux de développement. S'il arrive que nous entendons ce genre de fausses informations pouvant perturber la sécurité, nous nous dépêchons sur le lieu pour donner un message de pacification. Nous leur disons de vivre ensemble, qu'ils doivent eux-mêmes distinguer le bien du mal et prioriser ce qui a de l'intérêt pour eux. Selon toujours cette autorité, la commune Kabarore est paisible. Il voudrait voir sa population vivre sans risque de cycle de violence. Mireille Kanyang, un rapide rappel des titres avant de nous séparer. Une menace d'écroulement plane sur les bergers du ravin de Kizingwe à cause des eaux de ruissellement et celles provenant des ménages. Nous sommes en commune Mouha de la mairie de Bujumbura. Polémique autour des indemnisations de certaines familles expropriées dans le cadre du projet Jiji Murembwe. Notre reporter s'est entretenu avec ceux de la localité de Gishingano en commune Isare de la province Bujumbura. Et le président du conseil d'administration de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, CKDM, annonce l'ouverture d'une agence au chef-lieu de la province de Bururi, et cela avant le mois de mai prochain, au grand plaisir des adhérents qui n'auront plus à quitter Bururi pour aller chercher des crédits. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.